27e chapitre. Pauvre mère. Quelques jours après les événements que nous venons de rapporter, par une orageuse soirée d'été, monsieur de Parcevaux, sieur de Mézarnoux, et sa femme s'entretenaient après leur souper en se promenant dans la cour de leur manoir. C'était une belle et noble dame que Renée de Coitelogon, veuve du sieur Le Chevoir et mère de Marie, l'héritière. L'infortunée, douée de la plus exquise sensibilité, ne pouvait se consoler de l'enlèvement de sa fille, si cruellement arrachée à son affection, et en ce moment encore elle faisait éclater ses plaintes à ce sujet. « Oh, pourquoi, chère Renée, lui disait Mézarnoux, me suis-je absenté de ces lieux pour aller vous chercher à Mesgouez ? Mais qui aurait pu croire que la fontenelle eut faim de s'éloigner pour revenir pendant mon absence fondre sur mon manoir et m'enlever, avec ma riche vaisselle, tout ce que nous avions de plus cher au monde, notre charmante Marie. Je le répète, si j'étais resté ici, ces malheurs ne seraient pas arrivés, et Guéder n'eût jamais osé mettre à exécution ses horribles desseins. « Ne croyez pas cela, mon ami, répondit madame de Mézarnoux. Je pense que rien n'eût été capable d'arrêter le barbare ravisseur de Marie, qu'il aurait employé la force et la violence pour réussir, et que, dans sa furie, il vous eût immolé ainsi que vos gens, si vous aviez voulu vous opposer à cet enlèvement. Votre présence au château eût donc été inutile, et malgré votre courage, il vous eût été impossible de résister à ces soldats qui étaient campés à Plounéventer et qui sont venus le rejoindre, dans l'impuissance où nous étions d'empêcher la fontenelle d'accomplir ses projets. Remercions Dieu d'avoir permis qu'au moment où le crime a eu lieu, nous fussions absents, car nous eussions sans doute péri dans cette nuit terrible. Depuis, je n'ai eu qu'un regret. C'est de n'avoir pas emmené Marie avec moi au Mesgouez, comme j'en avais eu la pensée. Maintenant, au moins, nous l'aurions encore près de nous, et cet ange de bonté et de douceur n'eût point été enlevé à nos caresses. » En prononçant ces mots avec une grande émotion, la pauvre mère versa d'abondantes larmes et ne put comprimer son désespoir et sa douleur. « Pourquoi vous désolez ainsi, ma chère Renée ? » dit Mézarnoux. « N'avez-vous pas déjà assez pleuré votre enfant ? N'est-il pas temps de devenir raisonnable ? Pour une dernière fois, je vous en prie, ne parlons de cet événement que le moins possible, puisque nos regrets sont inutiles. D'ailleurs, Marie eût-elle été absente quand la fontenelle est venue, qu'elle ne lui eût pas pour cela échappé. Plus tard, il se serait emparé de sa proie. Encore s'il ne nous eût enlevé que nos richesses. Hélas, depuis la perte de notre fille, nous n'avons eu que deux fois de ses nouvelles, et ses lettres n'étaient pas d'elle, mais de la main de l'abbesse des Ursulines. La fontenelle, sois-en sûre, mon ami, avait donné des ordres pour que Marie ne pût correspondre avec nous, et nous avons aussi la certitude qu'il a toujours fait intercepter nos lettres. Je regrette beaucoup que, quand il a eu l'audace de nous écrire de Saint-Malo, vous m'ayez empêché de me rendre à l'île Tristan, où je voulais aller le provoquer au combat. Oh, qu'il m'eût été doux de me venger du sanglant outrage qu'il m'a fait. S'il eût accepté mon défi, peut-être, avec le secours de Dieu, aurais-je été assez heureux pour débarrasser la Cornouaille de ce brigand. Si vous aviez réussi à délivrer le pays de cet homme, votre bravoure et votre audace eussent été admirés de tout le monde. Quant à moi, tout en partageant votre juste indignation, je n'ai point consenti à vous laisser partir. Je connaissais trop notre perfide ennemi pour permettre que vous allassiez le provoquer dans son île. Le traître, au lieu d'accepter loyalement votre combat, vous eût fait saisir par les siens et vous eût condamné au plus affreux supplice. Mais Arnoux ne répondit pas. Il garda le silence pendant quelque temps, puis il reprit. « Je ne vous blâme pas, ma chère Renée, de vous être opposée à mes projets de vengeance, car je sais que vous ne l'avez fait que par amour pour moi. Parce que vous trembliez pour mes jours, non seulement j'ai cru devoir vous obéir, mais encore j'ai renoncé à l'idée que j'avais eue d'abord de porter plainte au roi, en lui dénonçant la conduite déloyale de notre cousin. En un mot, j'ai eu peur que Guéder ne se vengeât sur vous et sur Marie de ma dénonciation, et qu'il ne revînt encore porter le deuil et la désolation au sein de ma famille. Voilà ce qui m'a fait garder le silence sur ce funeste événement. » « Je ne saurais trop vous remercier de votre modération. En m'obéissant, vous avez compris que dans les temps où nous vivons, la force et la violence peuvent tout, et que malheureusement les lois et la justice sont illusoires et presque impuissantes. Cependant, actuellement que la fontenelle est gouverneur de Douarnenez et que la Bretagne est pacifiée, nous n'avons plus à craindre sa vengeance et ses fureurs. Il a perdu sa puissance et son prestige. J'ai donc résolu de me rendre secrètement à Saint-Malo afin d'arracher Marie du couvent où elle est retenue. Si plus tard son lâche ravisseur osait de nouveau user de violence avec elle, je ne balancerai pas alors à porter plainte contre lui devant le maréchal de Brissac. Que la Fontenelle prenne garde à lui, le parlement de Rennes ne l'a point oublié, et la famille de la ville Rouault n'a pas perdu l'espoir de se venger de ses outrages. Il faut qu'à tout prix j'empêche le mariage dont il nous a menacés. N'oublions pas que Marie vient d'atteindre sa 15e année. Et quand comptez-vous partir ? Demanda madame de Mézarnoux, tout émue. Je partirai demain, mon ami, et rien ne pourra me détourner de ce voyage. Je me sens effrayée à l'idée que Marie puisse être un jour malheureuse et qu'elle épouse un homme dont les mains sont teintes de sang. Dieu permettra, j'en ai la conviction, que vous réussissiez dans votre sainte entreprise, s'écria madame de Mézarnoux. Après cette réponse, tous deux continuèrent en silence leur promenade. En ce moment, 9 heures sonnèrent à la chapelle du manoir. La nuit était tout à fait venue. Le ciel était sombre et la lune entièrement voilée sous d'épais nuages chargés d'électricité. Plus la soirée s'avançait et plus la chaleur devenait insupportable et étouffante. De lumineux éclairs sillonnaient les ténèbres et de temps en temps le tonnerre grondait dans l'éloignement. Bientôt de larges gouttes de pluie ne tardèrent pas à tomber et l'orage commença à mugir et à menacer les campagnes environnantes. Monsieur et madame de Mézarnoux furent donc contraints de rentrer chez eux. Avant de se retirer dans leur chambre à coucher, ils entrèrent un instant dans la grande salle du rez-de-chaussée où ils reprirent leur entretien. Aussitôt, une jeune fille qui portait de grands flambeaux allumés pénétra dans l'appartement. Cette servante n'était autre que l'infortunée Marguerite qui était devenue folle de terreur le jour où la Fontenelle avait enlevé Marie. La pauvre fille, après ce malheur, avait été accueillie par ses maîtres qui, à force de soins et de bons traitements, avaient eu la consolation de la ramener à la raison. Dans la suite, lorsqu'elle demanda ce qui s'était passé, on lui dit que la Fontenelle, en sortant de Mézarnoux, avait été pris et conduit dans les prisons de Brest. On lui raconta aussi que Marie, après son enlèvement, s'était réfugiée à son château de Coidélan, que de là, elle avait désiré aller faire son éducation aux Ursulines et que sa demande ayant été accueillie, elle avait été conduite à Saint-Malo par un de ses oncles. Cette fausse version parut satisfaire Marguerite, dont la santé se raffermit tout à fait. Seulement, bien souvent, elle demandait des nouvelles de Marie et s'informait du jour où elle reviendrait à Mézarnoux. À peine Marguerite fut-elle entrée qu'un éclair illumina toute la salle et qu'un épouvantable coup de tonnerre se fit entendre. Le manoir trembla depuis le faîte jusqu'à sa base et la pluie tomba par torrents. « Voilà un temps bien affreux !» s'écria Mézarnoux en ouvrant une des fenêtres pour donner un peu d'air. « Quelle chaleur accablante !» Soudain, on frappa au dehors. La porte retentit violemment et on entendit le hennissement d'un cheval. « Avez-vous entendu, mon ami ?» dit madame de Mézarnoux. « Ce sont sans doute des voyageurs qui demandent l'hospitalité. »« Eh bien, ils ne frapperont pas en vain. Ils seront les bienvenus ce soir dans ce château. Et les gardes qui logent dans les pavillons à l'entrée de mon parc ont bien fait de ne pas laisser dehors ces étrangers. » Au même instant, le concierge vint avertir qu'un jeune seigneur et sa femme demandaient la permission de passer la nuit au manoir. Aussitôt la porte fut ouverte et les deux voyageurs furent introduits dans la cour. L'étranger, après avoir mis pied à terre le premier, s'élança vers la dame qui l'accompagnait et s'empressa de l'aider à descendre de cheval. Deux valets seulement servaient d'escorte au nouveau venu. À cette vue, Mézarnoux, suivi de plusieurs de ses domestiques munis de flambeaux, s'avança à la rencontre de ses hôtes. En ce moment, la pluie ne tombait plus avec autant de force, mais le ciel était toujours en feu et la cour du château traversée par de fréquents éclairs. Le cavalier, ayant alors pris la main de la dame, se dirigea vers le vestibule. À peine fut-il sur le seuil que Marguerite, folle d'effroi, poussa un cri terrible en reconnaissant le ravisseur de Marie. « La Fontenelle ! La Fontenelle ! Oui, c'est encore lui ! Prenez garde ! » s'écria-t-elle. Puis, en prononçant ces mots, elle tomba évanouie au milieu des domestiques qui, presque aussi effrayés qu'elle, la laissèrent étendue sur le sol sans songer à la secourir.